Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 82, du ministre de l'Eucharistie. Les prêtres sont les ministres de l'Eucharistie, conséquence de cette vérité, au nom de qui ils consacrent. Les mauvais prêtres consacrent validement. En quel sens la messe d'un bon prêtre vaut plus que celle d'un mauvais? Les hérétiques, les schismatiques consacrent-ils? Est-il permis d'entendre leur messe? De l'obligation pour les prêtres de célébrer. 1. Appartient-il proprement aux prêtres de consacrer l'Eucharistie? L'Eucharistie est d'une telle dignité qu'elle ne saurait être consacrée qu'au nom et dans la personne même de Jésus-Christ. Or, on n'agit pas au nom d'une personne et comme son représentant sans qu'elle en ait donné elle-même le pouvoir. C'est pourquoi notre Seigneur, qui, dans le baptême, accorde à l'homme le pouvoir de recevoir l'Eucharistie, donne aux prêtres, dans l'ordination, le pouvoir de la consacrer en son nom et comme son représentant. Car l'ordre élève le prêtre au rang de ceux à qui il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Note. Ce sacrement, dira-t-on peut-être, est consacré par la vertu des paroles de Jésus-Christ, dont se compose la forme sacramentelle, peu importe donc qui les prononce. Erreur. Les paroles seules n'ont pas la puissance de produire la consécration. La vertu sacramentelle réside dans plusieurs choses, et non dans une seule, on le voit par le baptême, qui consiste dans les paroles de la forme, unies à l'ablution. La vertu par laquelle la consécration produit son effet est tout à la fois dans les paroles de Jésus-Christ et dans la puissance sacerdotale que le prêtre a reçue, lorsque l'évêque lui a dit « Recevez la puissance d'offrir dans l'Église le sacrifice pour les vivants et pour les morts. » Un laïc, si saint qu'il soit, n'a pas avec Jésus-Christ l'union spéciale que donne la puissance sacerdotale. Il n'a que ce sacerdoce spirituel qui permet d'offrir à Dieu les hosties spirituelles dont parle l'apôtre dans cette parole, « Faites de vos corps une hostie vivante. » Romains 12, 1. Pourquoi donc, dira cet autre, la puissance de consacrer n'est-elle pas réservée à l'évêque? Si la puissance de consacrer n'est pas réservée à l'évêque, c'est qu'elle ne concourt pas directement à la formation du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de l'Église, dont l'évêque doit spécialement s'occuper. Fin de la note. 2. Plusieurs prêtres peuvent-ils consacrer une seule et même hostie? La coutume de plusieurs églises veut que les prêtres consacrent simultanément avec l'évêque qui les ordonne. Il faut alors que l'intention de tous se réunisse au même instant pour la consécration, qui ne doit pas être réitérée sur la même hostie. Note. Puisque les prêtres ne consacrent qu'au nom de Jésus-Christ, avec lequel ils ne font qu'un, il n'importe pas que l'Eucharistie soit consacrée par un seul ou par plusieurs, pourvu que les paroles de la consécration soient prononcées en même temps. Fin de la note. 3. Appartient-il seulement au prêtre de dispenser l'Eucharistie? La dispensation du corps de Jésus-Christ n'appartient qu'au prêtre, qui seul consacre l'Eucharistie. Le prêtre est l'intermédiaire de Dieu et des hommes, et ses mains ont été consacrées pour cet auguste sacrement. Il n'est même permis qu'à lui de le toucher, à moins que la nécessité n'y autorise quelqu'un dans un danger pressant, par exemple, si une hostie consacrée était à terre. Note. Un diacre pourrait dispenser le sang de Jésus-Christ, mais non son corps, si ce n'est dans un cas de nécessité, et sur l'ordre de l'évêque ou d'un prêtre. Fin de la note. 4. Le prêtre qui consacre peut-il s'abstenir de communier? On doit, dit un concile de Tolède, absolument tenir à ce que le sacrificateur participe lui-même au corps et au sang de Jésus-Christ toutes les fois qu'il en fait l'immolation sur l'autel. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement, elle est encore un sacrifice. Or quiconque offre un sacrifice doit y participer, le sacrifice extérieur étant le signe du sacrifice intérieur par lequel on s'offre à Dieu. Le prêtre qui monte à l'autel, témoigne que c'est premièrement à lui d'offrir le sacrifice intérieur, et, quand il distribue au peuple la sainte victime, il fait voir encore qu'il est le dispensateur des choses divines, auxquelles, comme le dit très bien saint Denis, il doit participer le premier. De là ces paroles du concile citées plus haut. Qu'est-ce qu'un sacrifice auquel le sacrificateur ne participe pas? La participation au sacrifice consistant à prendre la victime, il est nécessaire, on le voit, que le prêtre prenne le sacrement dans son intégrité toutes les fois qu'il consacre. 5. Un mauvais prêtre peut-il consacrer l'Eucharistie? Le prêtre, ministre et représentant du Christ, ne perd pas cette qualité par cela seul qu'il est pécheur. Notre Seigneur a de bons et de mauvais serviteurs. L'apôtre, après avoir dit que les hommes nous considèrent comme les ministres du Christ, ajoutait « Ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas pour cela justifié. » 1 Corinthiens 4, 1. Certain de son ministère, il ne l'était pas de sa justification, preuve que l'on peut être ministre de Jésus-Christ sans être du nombre des justes. Ceci tient à l'excellence de notre Seigneur, qui, en tant que vrai Dieu, se sert non seulement des choses bonnes, mais aussi des mauvaises que sa providence fait contribuer à sa gloire. Donc, quoiqu'un prêtre soit pécheur, il consacre validement l'Eucharistie. 6. La messe d'un mauvais prêtre vaut-elle moins que celle d'un bon? Il y a deux choses à considérer dans la messe, l'une principale, le sacrement, l'autre secondaire, les prières pour les vivants et pour les morts. En ce qui concerne le sacrement, la messe d'un mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle d'un bon, le même sacrement est consacré par l'un et par l'autre. Pour l'autre, pour ce qui est des prières, il est certain que la messe d'un meilleur prêtre est plus fructueuse, à raison de l'efficacité particulière de sa dévotion. Plus les prêtres sont saints, dit le pape Alexandre, plus ils sont exaucés dans leurs prières. Il faut le remarquer cependant, les prêtres, quels qu'ils soient, s'adressent à Dieu comme représentants de l'Église et en vertu d'un ministère qui persévère dans les pécheurs eux-mêmes. On doit conséquemment se garder d'enseigner que les prières des mauvais prêtres n'ont point d'efficacité, si, selon cette parole, la prière de celui qui détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi de Dieu sera en abomination, Proverbe 38, 9, leurs prières privées ne sont point exaucées. On n'en peut pas dire autant de celles qu'ils font au nom de l'Église, dont ils sont les ministres. 7. Les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés peuvent-ils consacrer l'Eucharistie? La consécration de l'Eucharistie est un acte attaché au pouvoir d'ordre. Les prêtres séparés de l'Église par l'hérésie, par le schisme ou par l'excommunication, consacrent validement, mais non pas licitement. Leur action, qui est un péché, les empêche de recevoir le fruit du sacrifice qu'ils offrent à Dieu. 8. Un prêtre dégradé peut-il consacrer l'Eucharistie? La dégradation, n'enlevant pas au prêtre le caractère sacerdotal, qui est indélébile, ne lui fait pas perdre le pouvoir de consacrer validement l'Eucharistie. Note. Quand les prêtres qui se trouvent dans ce cas se sont réconciliés avec l'Église, on ne les ordonne pas de nouveau, on juge donc que leur caractère sacerdotal est inadmissible autant que celui du baptême. Fin de la note. 9. Peut-on recevoir la communion de la main des prêtres excommuniés, hérétiques ou pécheurs, et assister à leur messe? Il existe une différence entre ces prêtres. Les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés sont frappés par l'Église d'une sentence qui leur enlève l'usage de leur pouvoir de consacrer. Il y a péché à entendre leur messe ou à recevoir d'eux la Sainte Communion, mais il est permis de communier de la main des autres prêtres et d'entendre leur messe, tant qu'aucun interdit n'a été lancé contre eux. Fussent-ils suspects pour eux-mêmes devant Dieu, ils ne le sont pas pour les fidèles. L'Église n'autorise aucun particulier à condamner ses ministres sur des soupçons, elle se réserve le droit de les juger elle-même. 10. Un prêtre peut-il s'abstenir complètement de consacrer l'Eucharistie? Conformément à cette recommandation de l'apôtre, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 6, 1, chacun est tenu d'user, en temps opportun, de la grâce qu'il a reçue du ciel. Or, pour savoir quand il est opportun d'offrir le saint sacrifice, nous n'avons pas seulement à considérer que les sacrements doivent être administrés aux fidèles, il faut avant tout porter nos regards vers Dieu, à qui on offre un sacrifice par la consécration de l'Eucharistie. C'est pourquoi il ne serait pas permis à un prêtre, alors même qu'il n'aurait pas charge d'âme, de s'abstenir entièrement de célébrer, il est tenu, ce nous semble, de monter à l'autel au moins dans les principales fêtes, et notamment dans celles où les fidèles ont coutume de communier. Note. La consécration de l'Eucharistie est un sacrifice que tout prêtre, en vertu de son ordination, est obligé d'offrir à Dieu, à moins qu'il n'en soit dispensé par une cause légitime, telle que l'infirmité, la maladie, etc. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.